Arc-en-ciel. Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, il est 17h. C'est la vie comme elle va. Le mercredi de 17h à 18h. Des histoires, des récits, des témoignages, de la poésie, du mystère, de l'émotion. La vie quoi, la vie comme elle va. Une émission pour ceux qui aiment lire, sortir, découvrir. La vie comme elle va, le mercredi de 17h à 18h sur Radio Arc-en-Ciel. Voici à l'antenne pour une nouvelle émission de La Vie comme elle va. Et alors, cette semaine encore, je suis entourée des Jean-Pierre. Sur ma droite, Jean-Pierre, bonjour. Bonjour. En face de moi, derrière le carreau, bonjour Jean-Pierre. Oh, quelle chance tu as, bonjour Eliane. C'est vrai que je suis très très bien entourée. Logiquement, notre petite Irène revient mercredi prochain. Dans quel état? Tout je zen, ne sais tout pas. Zen. Peut-être, parce qu'elle a l'air de s'être bien détendue. Voilà. Alors, l'émission aujourd'hui, eh bien, comme d'habitude, des livres, bien sûr. Mais pour commencer, notre Jean-Pierre, celui de ma droite, là, a décidé de faire quelque chose sur le vélo. Ben oui, parce que comme Poulidor est décédé et même enterré depuis hier, Jean-Pierre a eu une petite nostalgie. Il va vous parler du vélo. Ensuite, il y aura le premier livre du jour. Je vous présenterai « Le jour où Félicité a tué la mort » d'Henri Gougaud. Et puis, il y aura pour le plaisir, nous avons trouvé quelques petits poèmes, Jean-Pierre et moi. Ensuite, il y aura aussi une petite surprise, un écrit sur le théâtre d'Avignon, n'est-ce pas, avec James. Puis, ce sera le deuxième livre du jour, présenté par Jean-Pierre, « Le locataire » de Hilary Mantel. Puis ensuite, nous vous parlerons de quelques petites sorties à faire. Eh bien, écoutez, sans tarder, nous allons laisser la parole à notre Jean-Pierre qui va prendre son vélo pour rendre hommage à Poulidor. Voilà, voilà. Allez, Jean-Pierre, à toi. Voilà, donc je ne veux pas reparler de champion, hein, sympathique et tout. Mais j'ai dit, je vais parler de sa discipline au travers de ce qu'ont pu en dire les uns les autres. Et j'ai commencé par trouver un petit poème d'Aristide Bruand que je vais vous dire. Le bicycliste est le roi de la route. Sur sa bécane, il fuit comme l'éclair, comme l'oiseau qui, sous l'immense voûte, s'élance au large et disparaît dans l'air. Le bicycliste a le cerveau tranquille, bon estomac, excellent appétit. Loin des tracas et du monde imbécile, il est toujours frais de corps et d'esprit. Pédalons donc tous autant que nous sommes, tournons, virons, courons dur et longtemps. La bicyclette améliore les hommes et l'on vivra bientôt jusqu'à 100 ans. Grâce au vélo. Oh là là, super. Alors Pierre Dac, qui a été aussi de sa plume, et il nous a parlé un petit peu du deux-roues. Il est idiot de monter une côte à bicyclette quand il suffit de se retourner pour la descendre. J'adore. Sans l'invention de la roue, les coureurs du Tour de France seraient condamnés à porter leur bicyclette sur leur dos. Cyclistes, fortifiez vos jambes en mangeant des œufs mollets. Oh, oui, oui. Le vélo en fer, c'est facile, mais dès que ça monte, on voudrait bien en descendre. Bien sûr. Et ça, c'est pas de Pierre Dac, je sais pas de qui c'est d'ailleurs. Le vélo, c'est pour la course. La bicyclette, c'est pour les courses. Ah, et puis, j'ai fait une sélection, parce qu'il y en a tant, sur les termes du milieu du vélo, du milieu de la course. Ils ont un langage très illustré, très imagé. Et alors, ils ont des expressions comme « allumer les phares ». Alors, allumer les phares, c'est quand un coureur a les yeux brillants parce qu'il a usé de quelques produits interdits. D'accord. L'autobus. Alors, l'autobus, c'est le synonyme du groupe Eto. C'est en montagne quand les non-grimpeurs se regroupent. Ah oui, c'est ça. Pour éviter le une peloton, quoi. Pour éviter une, c'est le peloton attardé. D'accord. Pour éviter une élimination. Avoir la giclette. Juste devant la voiture balai, hein, c'est ça. Oui, c'est ça. Avoir la giclette, se sentir des fourmis dans les jambes et être prêt à tout moment à gicler du peloton. Au contraire, avoir la gueule dans le vent, effectivement. C'est ne pas savoir s'abriter et rouler toujours face au vent. Avoir une pancarte dans le dos, c'est les favoris qu'on s'assoit parce qu'ils sont repérés. Soit ou alors parce qu'ils ont un maillot distinctif, maillot voilà, jaune, voilà. Maillot de champion du monde, de champion national. Avoir la selle dans le cul, être à la tâche, produire un effort au-dessus de ses possibilités en recherchant le plus d'efficacité en s'asseyant à l'avant de la selle. Ah. Et on dit aussi faire du bec de selle. Ah d'accord. Avoir la soquette en titane, c'est un peu comme avoir la soquette légère. C'est avoir un coup de pédale aérien quand on est en super forme avec la efficacité et classe. En revanche, becqueter de l'aile, c'est quand on s'appuie sur la voiture un petit peu pour essayer de se relancer ou de se soulager. Être à pied, c'est pas bon signe, ça veut dire qu'on n'arrive plus à avancer. C'est un peu synonyme d'être collé au goudron. Alors, encore pire que ça, c'est être dans la pampa. Ah. Alors là, ça fait une heure que tout le monde est arrivé et vous êtes encore. Faire de la patinette, c'est se laisser porter par la course sans y participer. Fumer la pipe, c'est quand tout le monde se défonce, vous arrivez à suivre peinard sans. Oui. Hein? Mmh. Piétiner la luzerne, c'est quand on a loupé son virage. Ramasser les casquettes, c'est quand on n'a rien gagné. Et se faire péter les varices. C'est donner le maximum de soi-même, soit pour se maintenir en tête, soit pour essayer de rattraper les premiers. Eh ben dis donc. Voilà, il y en a comme ça des dizaines et des dizaines. Ben en tout cas, c'est très très gentil pour ce petit hommage un peu détourné, mais sur le vélo quand même, à notre pouleader national qui est parti vers un monde meilleur. Peut-être qu'il pédale encore mieux là-haut, je ne sais peut-être. Pas. Hein. On ne sait pas. À la toi, mon petit JP. Comme mais elle va. Ils ne savent pas les heures, les voitures, les camions. Ne sentent pas le vent, ne savent pas le temps. Et ils dévalent sans voir les passants, les pieds sur les pédales, dans la rue qui descend. Ce sont des équilibristes et des mécaniciens. Ces tout petits cyclistes, ces tout petits gamins. Ils ont les coudes griffés, mais ils n'ont rien senti. Dévorent la journée avec grand appétit. Descendent en dansant et remontent en danseuse. Trimballent leurs 6 ans et leurs mines rieuses. Ce sont des équilibristes et des mécaniciens. C'est tout petit, cycliste, c'est tout petit, gamin. Les genoux cabossés, un tout petit garçon lève sans frissonner les deux mains du guidon. Et il dévale sous les yeux des passants, laisse un peu de sandales sur le pavé brûlant. Ce sont des équilibristes et des mécaniciens. C'est tout petit, cycliste, c'est tout petit, gamin. Quelques mains cambouis tentent une réparation. Pour terminer, s'essuie-la sur les pantalons. Et il répare la chaîne déraillée. Il règle l'histoire avec autorité. Ce sont des équilibristes et des mécaniciens. C'est tout, tout, tout petit cycliste. C'est tout petit gamin. Les genoux abîmés, les cheveux décoiffés, et rouges lors de joues quand roule lors de roues. Ils dévalent sans voir les passants, les pieds sur les pédales, dans la rue qui descend. Et il dévale sans voir les passants, les pieds sur les pédales dans la rue qui descend. Ce sont des équilibristes et des mécaniciens. C'est tout, tout, tout petit cycliste, c'est tout petit gamin. Des équilibristes et des mécaniciens, c'est tout petit cycliste, c'est tout petit gamin. Eh bien, nous allons descendre de vélo pour aller voir le jour où Félicité a tué la mort. C'est Henri Gougaud qui a écrit ce livre. Vous savez, Henri Gougaud, c'est un très grand conteur. Dans ce livre, il nous raconte une histoire désopilante, une vaste réflexion sur la vie, la mort et même l'après, sait-on jamais. Félicité est une vieille dame de 95 ans. Elle n'a plus envie de vieillir. Elle vient de finir son journal. Elle a écrit « Je vais me donner la mort ». Elle a écrit à ses chéris pour les inviter à venir enterrer ses vieux os. Ses trois chéris étaient ceux qu'elle avait tellement aimés dans sa vie d'institutrice. Clément, qui est devenu médecin anesthésiste à l'hôpital de Toulouse. Édouard, le poète, le rêveur, lui est devenu policier. Et puis, le troisième, c'est Constance, la plus battante de tous. Elle décidait de tout, organisait tout. Félicité, elle nous parle de cela en regardant la photo de Jimmy, son grand amour de Yankee. Constance, elle est prof, elle donne des cours en prison. Vous voyez qu'elle n'a pas choisi la facilité. Alors, quand elle nous raconte sa rencontre avec Jimmy, leurs amours tumultueuses mais fortes, c'est tout un poème. Et puis, il y a Blaise, qui habite dans une petite maison et qui aime la terre. Alors, le jour, ce jour-là, elle l'appelle, Blaise. Elle lui dit « Bah, remonte, je suis couché. Oh là là, vous êtes malade ?» Il ôta son chapeau, vaguement effaré, les sourcils en bataille. Elle lui tendit une main lasse. « Enlève ta veste et viens là !» Il s'approcha du lit, observa sa figure, lui vit des cernes sous les yeux, se balança d'un pied sur l'autre, parut réfléchir, l'air buté, puis renfonçant son galurin sur sa débordante tignasse, il lui dit « Ne bougez pas, Félicité, je vais vous chercher le docteur !»« J'ai dit, viens là, boucre de bœuf !» Alors il s'est retourné. « Blaise, fais ce que je te dis. Tu n'imagines pas à quel point il m'importe que tu te couches auprès de moi. Mon oreiller sent la lavande. Viens, je t'en prête la moitié. » Et l'œil noir faussement grondeuse, elle lui dit « Tu m'aimes, non ? Eh bien, prouve-le, sacré nom !» Il regarda à droite, à gauche, comme un qui cherche par où fuir, renonça, gémit, lamentable. « Me coucher près de vous, pourquoi pas, c'est aimable, mais je vais vous salir les draps, mon pantalon est tout boueux. »« Eh bien, ôte-le, bougre d'âne !» En reprenant sa mine tendre, son sourire de vieille femme un peu lointain mais lumineux, « Fais-moi confiance, mon petit. À midi, tu comprendras tout, tu seras content, j'espère, le grand bien que tu m'auras fait. » Il risqua avant de céder. « Félicité, vous êtes sûre qu'il ne restait pas plus prudent que j'aille consulter au moins la pharmacienne ?» Elle ne répondit pas. Elle lui ôta sa veste et il enleva aussi ses gros godillots. Elle lui ouvrit le drap, il s'allongea près d'elle. « Et maintenant, serre-moi fort, mets ton genou entre mes cuisses. Oh, que tu sens bon le jardin !» Et alors, petit à petit, elle tendit la main droite à la table de nuit, palpa à tâtons son cahier, puis devant la photo de son soldat Yankee au sourire perpétuel, la seringue de Morora était là. Elle la saisit, la serra fort, la mena droit à son bras gauche et se retint de respirer. Elle pensa fort, c'était idiot. À cœur vaillant, rien d'impossible. Dernier mot, adieu, c'est fini. Elle enfonça d'un coup l'aiguille comme on pique un rôti d'agneau. Blaise eut un spasme épouvantable, un râle bref, quoique violent, deux ou trois sursauts ridicules. Ça fait ça, il ne bégea plus. Oh ! Félicité bondit debout, les yeux plus grands que la figure, les mains ne sachant où aller. considéra sans rien toucher la main droite du bonhomme et l'arme fatale plantée. Elle avait frappé le bras droit qui lui descendait de l'épaule. Erreur ! Ce n'était pas le sien, c'était celui de Blaise. Vous voyez, ça commence comme ça, c'est quand même assez rigolo. Et puis il y a aussi Siméon, l'ami de Blaise, l'homme des sous-bois. Il cherche Blaise partout. Alors Félicité lui raconte qu'il est parti à Paris retrouver une fille qu'il avait trouvée sur une petite annonce. Ah bon ? Siméon ne croit pas trop, mais enfin bon. Et au chevet du mort, le choc. Elle entend Blaise qui lui parle. Mais où es-tu ? Son cerveau divague. Hein. Mais Blaise lui apporte la preuve que c'est bien lui qui parle. Je vais vous lire ce passage, c'est quand même assez extraordinaire. Blaise lui dit qu'il avait été au marché le matin, hein, et puis qu'il avait acheté un ananas, et que l'ananas, eh bien, c'était pour elle. Je l'ai acheté, il est au frigo, dans un bac du conservatoire, comme dit Siméon, notre lascar des bois. Réfléchissez, Félicité. Si je loge dans votre crâne et nulle part ailleurs que là, vous ne pouvez savoir cela. Si vous trouvez mon ananas où j'ai dit, entre les poireaux et le reste du camembert, c'est que votre Blaise vous parle, que vous entendez ce qu'il dit, que sa voix est celle de l'homme que vous venez de trucider et non celle d'une trompette quelque part dans votre cerveau. Elle se dressa, elle se rassit, elle se tapota le menton, signe d'une réflexion profonde. Puis l'œil finot, elle dit au mort... Tu me parles, bon, admettons, très bien, très bien. C'est un jour nouveau qui commence. Mais si, pas d'ananas dans cette caisse à froid, c'est la guerre, je te préviens. Alors, elle descend à la cave, elle ouvre. Allez, ouvrez, Félicité, que la lumière soit. Eh bien, l'ananas était là. Donc, Blaise lui parle bien. Mais alors, les trois chéris qui vont arriver, surpris de la voir vivante, hein. Et alors, ils vont avoir, elle va leur expliquer l'histoire avec Blaise, qu'elle l'a tué sans faire exprès. Bien sûr, ils veulent absolument pas qu'elle aille se dénoncer à la police. Alors, ils vont avoir la tâche de mettre Blaise quelque part. Mais où ? À chaque fois qu'ils ont une idée d'un endroit pour enterrer Blaise, il se passe quelque chose de bizarre. Il y avait un trou, non ? Eh bien, il y a des spéléologues qui sont là. Il y avait une place au cimetière. Eh bien non, quelqu'un l'a déjà pris. Alors, il faut cacher, mais où ? On rit beaucoup, il y a des rebondissements, surprises. C'est drôle. Ce livre est un vrai bonheur, on a toujours le sourire aux lèvres, malgré le fait que l'on parle de la mort. Donc, si vous voulez passer un bon moment, lisez ce livre d'Henri Gougaud, « Le jour où Félicité a tué la mort ». Quoi faire avec mon corps, le coucher tôt, le lever tard, lui faire faire le sport ? Quoi faire avec mon corps, l'exciter, l'exhiber ou encore lui donner tort ? Quoi faire avec mon corps, l'intoxiquer, le purifier ou le peindre en noir ? Quoi faire avec mon corps, le faire courir ou méditer, le garder vivant ou lui donner la mort ? Je vieillirai avec. Avec mon corps, le trafiquer pour parvenir à trahir son âge. Quoi faire avec mon corps, lui visser des vuittons au talon pour le confort. Quoi faire avec mon corps, le vendre, le donner ou jouer avec son genre. Quoi faire avec mon corps, le guérir, le blesser, le punir ou le gaver d'animaux morts. Je vieillirai avec, que ça me plaise ou non. Il ira où j'irai, à quoi bon le laisser flamber. Je vieillirai avec, que ça me plaise ou non. Il ira où j'irai, vie comme elle va. Pour le plaisir. Pour le plaisir. Pour le plaisir. Eh bien, pour le plaisir, Jean-Pierre et moi avons choisi des poèmes. Alors, vous allez entendre Colloque sentimental de Verlaine, L'automne de Lamartine. Mais d'abord, Jean-Pierre va vous lire avec sa voix chaude et sensuelle un poème de Louis Aragon. À toi, mon Jean-Pierre. Mon poème préféré. C'est vrai ? Au bout de mon âge. Ah. De Louis Aragon, mis en musique par Jean Ferrat dans années 60. C'est ça. Au bout de mon âge, qu'aurais-je trouvé ? Vivre est un village où j'ai mal rêvé. Je me sens pareil au premier lourdeau, qu'encore émerveille le chant des oiseaux. Les gens de ma sorte, il en est beaucoup. Ça veut-il qu'ils portent une pierre au cou ? Pour eux, les miroirs, c'est le plus souvent, sans même s'y voir, qu'ils passent devant. Ils n'ont pas le sens de ce qu'est leur vie. C'est une innocence que je leur envie. Tant pour le plaisir que la poésie, je croyais choisir et j'étais choisi. Je me croyais libre sur un fil d'acier quand tout équilibre vient du balancier. Il m'a fallu naître et mourir s'ensuit. J'étais fait pour n'être que ce que je suis, une saison d'homme entre deux marées, quelque chose comme un champ égaré. Au bout de mon âge, qu'aurais-je trouvé ? Vivre est un village où j'ai mal rêvé. Ah, oh, c'est beau, hein. C'est vrai, on imagine la voix de Ferrat là-dessus. Hein. C'est, merci Jean-Pierre. Alors là, nous allons faire un colloque sentimental, Jean-Pierre et moi, n'est-ce pas ? Donc c'est Verlaine qui a écrit cela. Dans le vieux parc solitaire et glacé, deux formes ont tout à l'heure passé. Leurs yeux sont morts et leurs lèvres sont molles, et l'on entend à peine leurs paroles. Dans le vieux parc solitaire et glacé, deux spectres ont évoqué le passé. Te souvient-il de notre extase ancienne ? Pourquoi voulez-vous donc qu'il m'en souvienne ? Ton cœur bat-il toujours à mon seul nom ? Toujours vois-tu mon âme en rêve ? Non. Ah, les beaux jours de bonheur indicible où nous joignions nos bouches. C'est possible. Qu'il était bleu le ciel et grand l'espoir. L'espoir a fui, vaincu, vers le ciel noir. Tel il marchait dans les avoines folles, et la nuit seule entendit leurs paroles. Et maintenant, l'automne de Lamartine. Je suis sûre que cela va vous rappeler quelque chose. Salut, bois couronné d'un reste de verdure, feuillage jaunissant sur les gazons épars. Salut, dernier beau jour, le deuil de la nature convient à la douleur et plaît à mes regards. Je suis d'un pas rêveur le sentier solitaire, j'aime à revoir encore, pour la dernière fois, ce soleil pâlissant, dont la faible lumière perce à peine à mes pieds l'obscurité des bois. Oui, dans ces jours d'automne où la nature expire, à ses regards voilés je trouve plus d'attrait. C'est l'adieu d'un ami, c'est le dernier sourire des lèvres que la mort va fermer pour jamais. Ainsi, prêt à quitter l'horizon de la vie, pleurant de mes longs jours l'espoir évanoui, je me retourne encore et d'un regard d'envie, je contemple ces biens dont je n'ai pas joui. Terre, soleil, vallon, belle et douce nature, je vous dois une larme au bord de mon tombeau. L'air est si parfumé, la lumière est si pure, au regard d'un mourant le soleil est si beau. Je voudrais maintenant vider jusqu'à la lie ce calice mêlé de nectar et de fiel, au fond de cette coupe où je buvais la vie. Peut-être restait-il une goutte de miel. Peut-être l'avenir me gardait-il encore un retour de bonheur dont l'espoir est perdu. Peut-être dans la foule une âme que j'ignore aurait compris mon âme et m'aurait répondu. La fleur tombe en livrant ses parfums aux zéphyrs. À la vie, au soleil, ce sont là ses adieux. Moi, je meurs, et mon âme, au moment qu'elle s'exhale, comme en un son triste et mélodieux, expire. Vous écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Sur mes épaules tombe la pluie. J'ai perdu le rôle le fil. Oh, loin la foule, faut-il s'y fondre si après la pluie, jamais la. James ont eu le plaisir de rencontrer un personnage de théâtre qui les a beaucoup marqués. Oui, parce que c'est un monsieur qui a fait du théâtre, qui écrit des pièces de théâtre et qui a fait du théâtre en amateur, donc il connaît bien, il a beaucoup discuté avec nous et il a fait tout un petit livre sur le théâtre d'Avignon. Alors on a trouvé des petits extraits qui, je pense, vont vous ravir, dont un qui se passe entre deux personnes un peu âgées, disons, et puis l'autre, on le fera les uns à la suite des autres. Vous imaginez, vous êtes en Avignon, on dit, je crois. Je crois qu'on en dit Avignon. En Avignon. Oui. Donc, au moment du spectacle qui s'y passe et les gens alors, discutent. On est dans le off ou dans le in ? Ben là, tu vas voir. Allez, on y va. 19h d'abord. Tu te souviens, le prince de Hautbourg avec Gérard Philippe ? Ah oui, c'était autre chose. Ah ben, ça n'a rien à voir avec ce qu'on vient de voir. Oh là, rien ! Et tu te souviens, les costumes ? Oh là là, les costumes ! Du velours, de la dentelle, et du doré, et du rouge, et du noir ! Ce soir, tout le monde à poil ! Oh ben, d'un certain sens, l'habilleuse, elle a eu moins de travail, hein ! Oh, et la diction ! Oh, cette voix ! Oh, et ce physique ! Oh, Gérard ! Tu te souviens comme ta voisine poussa des soupirs ? Ah oui, oh, je la revois avec son petit mouchoir à la main ! Quelle cruche! Elle dit, ce soir, ils avaient dû se rouler dans la bouse de vache, non? Et ça leur faisait comme des croûtes sur la peau. Et tout en allemand, j'ai rien compris. Ah ben non plus. Mais qu'est-ce que c'était chouette! Ah ben quand je pense qu'il y en a qui regrettent la mise en scène de Villard. Oh les cons! Et nous, on y était, on peut en parler, c'était nul. Ah oui, ah moi j'ai préféré celle de ce soir. Hein. Et le comédien, comment il s'appelait-il déjà? Ah ben attends, je sais pas, attends, Brichtenbergen-Border, enfin un nom allemand. Hein. Oui, autre chose que Gérard Philippe. Ah ben oui, une autre trempe. Ah, quel acteur! Dommage qu'on a eu du mal à se souvenir de son nom. Borsching. Barzung? Enfin, c'est pas un truc comme Schlüchstein. Bon, ils le diront peut-être à la télé. Bah, ça m'étonnerait, ils ne le jouent que 3 jours. Bah, et le théâtre? Bah, fallait le trouver au fond de ce hangar sordide. Et puis, je me suis fait mal au mollet en enjambant les bouts de ferraille. Hein. Mais je t'avais dit de faire le tour en te tenant au câble électrique. Et moi, je me prenais du courant dans la main. Bah, tu fais jamais attention à rien. Oh, je me plains pas. J'ai supporté 3h30 sans rien dire. Et pourtant, les coussins étaient bien défoncés et pleins de puces. Oui, ouais. Et toi, t'avais un coussin. Pour moi, il restait que la planche en bois. Oh, mon pauvre doudou. Et j'avais le projecteur dans l'œil. Ah, j'étais obligé de le fermer de temps en temps. J'ai pensé toute la représentation à ne voir que la moitié des acteurs. Mais c'était tellement bien que j'ai tout supporté sans broncher. Ah oui, on s'en souviendra longtemps. Hein. Ah, longtemps, ma pupusse. Toute notre vie. Enfin, ce qu'il en reste. Hein. Bah, même là-haut, on en recausera. Ah oui, autre chose que la cour d'honneur. Hein. On sent le vécu derrière ce texte. Voilà. Et là, c'est un autre couple qui parle d'une autre pièce. T'as aimé la pièce? Non. Moi non plus. Pourtant, c'est toi qui voulais la voir. Hein. Ouais, j'en avais entendu dire du bien. Faut se méfier des conseillers. Ce sont pas toujours des spectateurs compétents. La vie de chacun a une valeur, chacun est un spectateur aussi valable que l'autre. Bah la preuve, cette pièce était une calamité. Bah n'exagère pas, tout n'était pas mauvais. Peut-être, mais rien n'était bon. Oh t'es dur. Et toi pas assez, bah, c'est comme dans la vie, t'excuses toujours la médiocrité. Bah, et toi, tu n'es jamais satisfaite de rien, tu transformes chaque seconde de vie en pugilat. Et toi tu la chloroformes, on s'ennuie avec toi. Hey, tu disais pas ça au début, hein? Eh ben, je le dis maintenant. Après 10 années. Tu les as aimés, ces 10 années? Non. Moi non plus. Pourtant, c'est toi qui voulais qu'on vive ensemble. Oui, j'avais entendu Marie dire du bien de toi. Mais Marie dit toujours du bien des hommes qu'elle a connus. C'est pas une conseillère compétente. Marie est une conseillère comme une autre. Son jugement a autant de valeur que celui d'Élodie. La preuve, notre couple est un fiasco. On n'exagère pas. On a eu de bons moments. Oui, on a aussi eu de foutus quart d'heure. Ah, tu es négatif. Mais toi, tu positives tout sans conviction. Et comme dans cette pièce, l'auteur ne croyait pas à son sujet. Tu vois toujours le détail qui ne va pas. Tu es incapable de vibrer simplement, de prendre du plaisir simple. Et toi, tu n'as aucun sens critique. T'es toujours du même avis que moi. Tu n'aimes pas cette pièce parce que je l'aime pas. Tu es un mouton. Tu ne disais pas ça au début? Eh bien, je le dis maintenant. Après une semaine de festival? Bah, tu l'as aimé cette semaine? Non. Moi non plus. Pourtant, c'est toi qui voulais venir à Avignon. Hein. Mais je voulais parce que j'en avais entendu dire du bien. Avignon, Avignon, la cité des papes, le pont. On y danse, on y danse. Oui, on y tourne en rond, oui. Vraiment, ça donne envie d'aller à Avignon, Avignon et son célèbre festival de théâtre. C'était du off, hein. C'était du off. Je pense. Encore que. Souvent, on voit de fort belles choses dans le off hein, et on s'ennuie dans le in. En tout cas, pour les amoureux du théâtre, c'est fantastique parce que, en l'espace de quelques jours, ouais, on peut voir un nombre important de pièces, il y a du choix, hein. Je crois qu'il y a avec le off quelque chose comme 1000 ou 2000 pièces, oui, c'est incroyable. Spectacles de toutes sortes que l'on peut aller voir, et on ne saurait trop vous recommander, si vous n'avez pas le temps d'aller à Avignon, eh bien de vous plonger dans la place de l'horloge, un écrit de Gérard Levoyer, justement sur le festival d'Avignon. La vie comme elle va, le mercredi de 17h à 18h sur Radio Arc-en-Ciel. Je voudrais savoir façonner des mots pour te fasciner, faire sonner des mots qui te feraient frissonner. Savoir te faire résonner, mais sans t'emprisonner. Savoir ne pas en faire des tonnes pour t'étonner. Tant qu'à attaquer tactique, autant tenter l'authentique, plutôt que de vouloir t'épater pathétique. Cimenter ma sémantique, ce serait pas très stratégique. Et sûr que ça sentirait l'astuce scénaristique. C'est pour ça que sans toi, je préfère dire que je suis qu'un môme perdu, un clodo qui se trompe de rue. Je suis comme un fonctionnaire sans revalorisation de salaire, comme un arc qui bande plus, comme le trou, la sécu, comme une Mastercard Gold après le week-end des soldes. Sans toi tout me désole. Tu parles de ceux qui harcèlent pour susciter l'étincelle, de ceux qui sortent des cornes de leur escarcelle, de ceux qui sans cesse ressassent des phrases censées sonner classe, sans savoir te laisser une once d'espace. Je préfère te dire que sans toi je suis plus qu'un môme perdu, un clodo qui se trompe de rue. Je suis comme un fonctionnaire sans revalorisation de salaire, comme un arc qui bande plus, comme le trou de la sécu, comme une Mastercard Gold après le week-end des soldes. Un joueur de Liverpool transféré au FC Vesoul, un mannequin chez Armani qui défile pour qui habille. Je suis qu'un môme perdu, un clodo qui se trompe de rue. Je suis comme un fonctionnaire sans revalorisation de salaire, comme un arc qui bande plus, comme le trou de la sécu, comme une Mastercard Gold après le week-end des soldes, comme les toilettes d'un McDo sans papier. Eh bien, après cette petite replongée dans le passé avec le Théâtre d'Avignon, j'ai bien rigolé, on va revenir dans le direct avec notre Jean-Pierre qui a lu un livre qui s'appelle « La locataire » de Hilary Mantel. Alors, c'est qui cette locataire ? C'est un étrange récit. C'est vrai ? Étrangement étrange. Ah, à ce point-là. Les personnages sont tous antipathiques. D'accord. À des degrés bien divers, certes. Mais les plus insupportables ne sont pas forcément, les plus insupportables ne sont pas forcément ceux à qui l'on pense d'entrée. Il existe un autre roman, La locataire, de Penelope Evans. Ne pas confondre. Ah. Je ne le connais pas, l'autre. Il existe un film de Roman Polanski, bon, avec Isabelle Adjani. Voici donc un troisième locataire. Une troisième locataire. Oui. Il y a plusieurs centres géographiques pour le déroulé de l'histoire, figure-toi. Une maison de Buckingham Avenue, dans la banlieue de Londres. On pourrait dire une maison bizarre. C'est là qu'habite désormais Colin Sidney, je prononce à la française, oui, bah écoute, et son épouse Sylvia. Ils y sont voisins avec Florence, la sœur de Colin. Au regard de l'appartement exigu qu'ils occupaient auparavant, le 2 de Buckingham Avenue est un palais. Autrefois, cette maison appartenait à la mère de Muriel Axon, une vieille un peu tarée, plutôt beaucoup tarée. employons bien taré dans l'acception d'un lourd héritage encombrant. Le deuxième centre d'intérêt de l'histoire est un sordide établissement psychiatrique dans lequel Muriel Axon a séjourné 10 ans. Et à sa sortie, elle voudrait bien récupérer sa maison au 2 Buckingham Avenue. Ah. Il y a un service hospitalier pour les vieux qui gênent. La mère de Colin Sidney est pensionnaire, enfin disons allongée dans un lit, se refusant au coma mais ne disant pas un mot, y compris à la famille qui vient la voir une fois par semaine, environ 20 minutes. Sylvia ne supporte pas la visite à sa belle-mère. Mais la vieille améliore sa santé, au point qu'on envisage de la reconfier à sa famille aimante. L'État cherche à fermer des unités d'accueil, des économies. L'État annonce toujours vouloir faire des économies. D'ailleurs, elle va bien désormais, la vieille. Si ce n'est qu'elle se prend pour la reine d'Angleterre. Mais ça ne fait de tort à personne, sinon que l'étiquette est lourde à supporter au quotidien. Le retour de l'aïeul pose beaucoup de problèmes aux enfants. Colin et Florence, déjà qu'ils les collectionnent, les problèmes. Colin et Sylvia sont au bord du gouffre. Leur couple existe comme un bateau qui erre sans couler, mais jusqu'au prochain récif. Ils ont 3 enfants, dont Suzanne, l'aînée, qui est enceinte du mari d'Isabelle, l'ancienne maîtresse de son père. Ça devient très compliqué, la vie aux 2 Buckingham Avenue, d'autant que Sylvia est amoureuse du pasteur. Le fils cadet et consommateur avéré de drogue envisage la vie à Glandé. Seule la cadette est à peu près d'aplomb. Mais pour combien de temps? Muriel Axon a eu une enfance inimaginable, pratiquement séquestrée. Un jour, elle s'échappe, elle se fait violer. Elle attend un enfant. La mère qui voit des diablotins partout met en route l'épreuve de vérité. Le bébé est mis dans une boîte en carton et posé sur le canal. S'il s'en sort, on le garde. S'il coule, un autre enfant non né du malheur surgira. Mais le petit n'est pas Moïse, il sombre. Muriel va tout faire pour récupérer sa maison. Je ne peux pas vous en raconter plus, voyez-vous. Enfin, un petit peu quand même. Sous les déguisements plutôt incroyables les uns que les autres, elle approche ceux à qui elle a décidé de nuire. Cette histoire, c'est presque un conte, tant les personnages sont irréels. Du moins, il est vain de penser trouver dans la vraie vie une telle collection d'olibrieux au kilomètre carré. C'est à la fois série noire, vaudeville, peinture exacerbée des travers que nous connaissons tous. J'ai emprunté la conclusion à un commentaire sur Internet. Je partage complètement ce point de vue. Difficile, de fait, de s'attacher à tous ces personnages. Et pourtant, on le veut, ce fin mot de l'histoire. Entre couples au bord de la rupture, enfants paumés et aliénés divers, les situations aussi absurdes que glaçantes ne manquent pas. Et le final est mené tambour battant pour mieux vous laisser pantois, groggy. Donc tu nous le conseilles quand même. Oui. Tu nous en lis un petit morceau? Peut-être. Oui, allez vas-y. Je vais réfléchir. Ce déménagement avait été un vrai coup de chance pour eux. Claire s'annonçait, il leur fallait une maison plus grande. Mais comment trouver les moyens? En temps normal, jamais Sylvia n'aurait songé au quartier de l'Auderdale Road. Toutes ces grandes maisons individuelles, trop déprimantes et trop chères. Colin y avait grandi, et sa sœur Florence, qui ne s'était jamais mariée, habitait encore la maison de famille. Leur père était mort et Florence avait placé leur mère en maison de retraite. Elle avait appelé Sylvia un jour pour lui dire « La maison Axon est mise en vente, celle juste au coin de la rue, avec un jardin contigu au mien. Vous devriez vous renseigner. » « Quoi ?» répondit Sylvia, « cette maison où habitaient ces deux bonnes femmes bizarres. Mais elle tombe en ruine. Elle se vend à bas prix, précisa Florence, à votre guise, mais vous pourriez la retaper. » Bien entendu, Sylvia se méfiait des motivations de Florence. C'est une femme possessive. Elle voulait avoir son frère, tout à côté, disponible pour venir réparer lorsque les plombs sautaient ou que son évier se bouchait. Mais quand même, par curiosité, Sylvia téléphona à l'agent immobilier. Cette maison a effectivement besoin d'un gros travail de rénovation, confirma ce dernier, mais elle est foncièrement saine. Elle est très bien située, évidemment, à proximité des commerces et des écoles. Je sais où elle se trouve. Comment se fait-il qu'elle soit si peu chère? Oui, c'est une bonne question à poser, justement. Donc, la locataire de Hilary Mantel, quand même, il a eu envie d'aller jusqu'au bout. Donc, ça doit être même intéressant. Hein. Merci, Jean-Pierre. Sortir ou lire? Eh bien, écoutez, c'est à vous de choisir, bien sûr. Alors, le vendredi 22 novembre à 20h30, à la passerelle de Fleury, il y a un spectacle qui s'appelle Clink. C'est une bulle de savon, une bulle de champagne, légère, pétillante, et puis Clink. Petit geste, attitude et prise de conscience du monde, beauté de chaque chose, de chaque seconde. Ça donne très envie de le voir. Il y a deux personnages clownesques, un univers féerique fait d'eau et de savon, tout simplement. Magnifique, pour nous rappeler d'ouvrir les, couvrir les yeux et simplement regarder peut faire la différence, bien sûr. Ben oui, mais ce même jour, à la même heure, il y a autre chose. À l'église de Saran, il y a notre Jean-Pierre, celui qui est à ma droite, là, qui va souffler dans son instrument de musique pour un concert de la Sainte Cécile. Veux-tu bien nous en parler, mon petit Jean-Pierre? Oui, enfin, je vais souffler avec d'autres. Hein. Oui. concert de la Sainte Cécile de l'harmonie Fleury-Saran. Mm-hmm. Donc, ça se passe à Saran, à l'église Saint-Martin, à côté de la mairie, dans le centre. Et en première partie, il y a les chorales Diapason de Fleury-les-Aubrais et Valcanto de Saint-Jean-le-Blanc. Donc une excellente soirée également en perspective si vous préférez la musique. Voilà, entre les bulles ou les notes, il faudra choisir. Et puis le samedi 23 à 15h, à l'auditorium Boris Vian de la Passerelle, il y a un spectacle pour les plus jeunes. Ça s'appelle Le Fantôme de Canterville. Bienvenue au manoir de Canterville. Faites attention, vous mettez les pieds, car le manoir est hanté. Tous les soirs, le fantôme erre dans les couloirs à la recherche d'humains effrayés. Jusqu'au jour où s'installe la famille Otis. Je ne vous en dis pas plus. Allez voir ce spectacle à 15h, le samedi 23. Donc il y a ou les bulles le vendredi 22 à 18h30, ou les notes de musique qui vont voler dans l'église de Saran. Et le samedi, il y a le fantôme. Donc vous voyez, entre les livres dont on vous a parlé et puis ces sorties, vous avez vraiment le choix, n'est-ce pas ? Mon petit Jean-Pierre, tu peux nous dire les petites musiques jolies que tu nous as mises aujourd'hui ? Oui, on a eu quelques jolies petites chansons. On a commencé avec Clio et vraiment un très joli texte, un très joli texte qui s'appelle Les Équilibristes, c'est les petits cyclistes, si joliment dépeints dans cette chanson de Clio. Je mettrai les paroles d'ailleurs sur la page de notre émission. Puis on a eu les Glossy Sisters en deux ou troisième semaine dans La Vie comme elle va. On a eu June Milo et Raphaël Clem, ce sont des petits Québécois, et là nous avons pris un grand vol d'air avec le groupe Terre-Neuve. Très bien. Et comme nous avons encore un petit peu de temps avant de passer le relais à Violette, je vais demander à Jean-Pierre, t'as pas d'autres petits trucs sur le vélo pour nous faire rigoler? Ah non, non. T'as tout dit? T'as tout dit? J'ai tout dit. Oh, j'ai non, pas amené possible. Le reste. J'ai pas amené le reste. Ah ben c'est dommage. Si, il existe aussi en suçant la potence. Alors ça c'est quand on est toujours, on est écrasé sur le vélo, tu vois. Là c'est pas rigolo, on fonce aussi. La potence c'est le guidon. Oui, en suçant la potence, ça veut dire que t'es vraiment couché sur la bécane. Est-ce que tu peux nous redire ce qu'a dit Pierre Dac? Parce que vraiment, je trouve ça très drôle. Alors, Pierre Dac, lui, dit qu'il est idiot de monter une côte à bicyclette puisqu'il suffit de se retourner pour la descendre. Oui, j'imagine bien j'imagine bien le peloton faire ça. Mais moi, j'adore, sans l'invention de la roue, les coureurs du Tour de France seraient condamnés à porter leur bicyclette. Oui, effectivement. Effectivement. Ah là là. Et bah, cycliste, fortifiez vos jambes en mangeant des œufs mollets. Oui, ça, c'est peut-être à écrire aussi dans les cuisines, hein, d'accord ? Ah, c'est bien du Pierre Dac, ouais, ça, hein, voilà, d'accord. Voilà. Bien, écoutez, on se retrouvera la semaine prochaine avec Irène, j'espère. On aura des questions à lui poser sur son... Vous savez, le massage qu'elle s'est fait faire, je vous en avais parlé la semaine dernière, qui, c'était une philosophie hindoue, j'ai pas retenu le mot, mais elle va savoir. À moins qu'elle revienne à dos d'éléphant, ça risque d'être plus long. Alors, mon Dieu. Eh bien, écoutez, nous vous souhaitons une très, très bonne semaine, pleine de lectures, pleine de musique, pleine de chants et de bonheur, n'est-ce pas ? Et puis, Jean-Pierre, tu nous remettras une petite musique pour conclure. Ah, bah, bien sûr. Et puis, à la semaine prochaine. Vive la Sainte-Cécile. Et ensuite, ça sera Violette Jean-Pierre. Pour traditionnel, c'est cela ? Absolument, normalement. Eh bien, au revoir à tous. Au revoir. À la semaine prochaine. Au revoir, les amis.